Bavastro le corsaire par Édouard Gachot. Maître Lafougane, un vieux soldat du grand Napoléon, me racontait, il y a plus de 30 ans, comment le corsaire Joseph Bavastro, un Niçois, put gagner dans une nuit 125 000 francs. Écoute, Moucheron, l'événement s'est passé à Gênes. J'ai tenu garnison dans cette ville quand la domination française s'étendait jusqu'à Rome. J'ai monté la garde aux portes du palais d'Oria. J'ai parcouru, à loisir, le quartier de la Marine qui formait une cité à part dans la grande ville, cité percée de ruelles tortueuses, sillonnée de ruisselets, habitée par une ville multitude qui ne vivait que d'oranges, de pâtes avariées et d'herbes cuites. En temps de guerre, cette population s'augmentait des déserteurs, des contrebandiers, d'évadés des bagnes, et la police s'arrêtait prudente au seuil du repère. Dans la chaleur qui chauffe à blanc, durant l'été, le fond du golfe de Gênes, sur deux places et sur des escaliers coupant les montées, les fainéants demeuraient longtemps assoupis. Ici, des jeunes gens couverts de haillons suivaient, les yeux clos, l'image d'un rêve fantastique. Là, de belles filles aux poitrines opulentes, étalées plutôt que couchées en pleine rue, à la joue posée sur un bras, goûtaient la somnolence. Ailleurs, adossées aux murailles lézardées, de vieilles femmes enveloppées de loques sordides se miraient dans un morceau de glace. Des enfants, très sales et nus, remplissaient l'air de leurs cris. Ils jouaient, se poursuivaient et heurtaient parfois du pied un dormeur qui, réveillé en sursaut, grommelait, se levait et frappait. Souvent, deux hommes, qu'une rivalité faisait ennemi, se rencontrant dans une ruelle, tiraient leurs couteaux et se battaient. Ils avaient la foule pour témoin, une foule gouailleuse. De l'un des combattants, le vaincu, le sang vermeil, arrosait les cailloutis, teintait le ruisseau formé par des eaux ménagères. Un dernier coup de poignard achevait le vaincu. À l'homme mort, personne ne voulait s'intéresser. Un fossoyeur venait prendre le soir le cadavre pour aller l'enterrer au cimetière suburbain. Au passage du vainqueur, la foule s'écartait, admirative. La nuit, quand portes et fenêtres restaient béantes, quelque temps qu'il fît, des voix chantaient ou blasphémaient au fond des impasses noires. Dans le dédale des rues point éclairées, des ombres rôdaient. Au seuil d'un logis délabré, une femme battue gémissait. Un ivrogne heurtait de ses bras les murs des maisons. Des enfants, couchés sur des matelas pouâtres, pleuraient. Les bruits du quartier de la Marine couvraient souvent les bruits de Gênes. Depuis longtemps, la ville et le faubourg se boudaient. Aucun citadin n'eût osé s'aventurer seul dans le faubourg. Mais la canaille du faubourg, propre aux séditions, sortait parfois en masse de ses repères et s'en allait hurler ses immondes désirs, ses revendications dans la cité des Dorias. Il fallait employer pour la refouler des gendarmes ou des cavaliers, laisser libre d'agir et lui tuer, incendier, piller. Mais cette population aux vils instincts allait rendre, le 30 mai 1800, le pieux hommage à Saint-Ferdinand, lui tresser des couronnes de fleurs cueillies à la Carignano, l'encenser, quand un cri d'alarme retentit jusqu'au fond du quartier. « Aux Jacobins !» Un Jacobin, c'était un Français. Alors, Masséna tenait dans Gênes une garnison en haleine, pendant que de tous côtés, les Autrichiens et les Anglais s'employaient à livrer aux défenseurs de la Ligurie les plus furieux assauts. Affamée, la troupe de 10 000 hommes se nourrissait des feuilles des arbres, des chiens, des chats, des rats. Un lézard se payait 3 francs. Une once de pain d'1 000 000 valait 30 sols. Le service du blocus ayant arrêté, tant du côté de la mer que du côté de l'Apennin, les provisions dirigeaient vers la ville. Contre les soldats français, la haine du peuple augmentait chaque jour, haine qui se manifestait par des cris, des rassemblements, des séditions. Mais les baïonnettes eurent raison des fauteurs de troubles, qui durent cacher leurs figures hideuses et panser leurs blessures dans le quartier de la Marine. Quel homme osait se présenter à l'entrée de ce quartier? Il avait 40 ans environ. Quoiqu'il fût de taille ordinaire, sa largeur des épaules, l'épaisseur du buste, le développement des mains annonçaient sa force musculaire. Son visage sanguin, ovale, était barré d'épaisses moustaches noires. Un nez à la grecque dominait des lèvres fines et très mobiles. Les yeux noirs, comme embusqués sous des sourcils broussailleux, étaient pleins de feu. La hauteur du front indiquait l'intelligence. Habillé d'un uniforme de drap bleu, bien ajusté sur la taille et aux entournures, les pieds et les jambes pris dans de hautes bottes rouges évasées, à la mode mousquetaire, dont la ceinture en cuir jaune qui serrait son habit, deux pistolets et un poignard étaient placés. C'était Bavastro, le corsaire, un homme redoutable, qui commandait à Gênes le navire de guerre mis au service des Français. Habile marin, qui avait 20 fois passé la nuit entre les escadres anglaises, assurant un étroit blocus. Hardi navigateur qui se jouait des plus grandes fureurs de la mer. Lutteur indomptable qui regardait un combat comme une fête. De plus, joueur obstiné qui éparpillait sur les tapis verts tout l'or de ses prises. Le cri de quelques galériens ne l'effrayait pas. À leur avertissement, il ajoutait d'une voix forte « Alerte, citoyen, voilà un jacobin !» De la main droite, le corsaire serrait le manche en jonc d'un fouet de postillon, fouet armé de 6 fines lanières en peau de crocodile. Après avoir dégagé un peu la batterie de ses pistolets, il s'avança sur le pavé de la ruelle Santa Gracia, qui aboutissait au cœur même du quartier. Tant de résolution effrayait des femmes qui poussèrent des cris de terreur. À l'avertissement de ces cris, la marmaille s'enfuit de tous côtés en piaulant lamentablement. Des fainéants secouèrent leur torpeur. De belles filles, accroupies à l'ombre des maisons, se hâtèrent vers leur bouge. 8 lampes, déjà allumées devant la statue du bienheureux saint Ferdinand, furent emportées par 2 moines gris venus de Carignano en pieuse intention. Des portes claquèrent, une sourde rumeur sortit de la profondeur des taudis. Un vieillard cria « À mort le jacobin !» Mais quel homme se chargerait d'exécuter la sentence? 2 échappés du bagne, 2 bravis, mettant quelque orgueil à paraître résolu et comptant bien recueillir la dépouille de l'étranger, s'avancèrent vivement à la rencontre du corsaire. Celui-ci ne voulut point les éviter. La rencontre eut lieu entre 2 maisons lézardées, devant un carrefour corné une croix de marbre. Bavastro s'arrêta. Il fut attaqué. Son premier adversaire reçut un coup de botte qui lui défonça la poitrine. Il tomba en râlant et rendant le sang à pleine bouche. Au second, armé aussi d'un stylet, le fouet du corsaire déchira le visage. Les 6 lanières creusèrent 6 rigoles, d'où le sang coula à bouillon, et l'homme aveuglé, tâtonnant, criant, cherchait l'appui d'une muraille, ne voulant pas choir. Le corsaire continua de marcher. Il répéta, en ironiste, « À mort le jacobin !» Devant lui, la ruelle était déserte. Les voix des vieillards qui ordonnaient et celles des femmes qui priaient s'étaient tues. Arrivé au pied de la Salita ou Montenori, Bavastro s'arrêtait. Il comptait les maisons. Sur la porte noire de la 5e, à droite, son poing frappait. La porte rendait un son de tambour. « Ouvrez !» criait l'homme avec autorité. Un bambin lui ouvrit. Sans avoir hésité au seuil du refuge, Bavastro s'avança à travers la demi-obscurité du logis. Il vit un lit de haillons, des escabeaux, une mauvaise table. Il aperçut une jeune fille, une levantine de grande beauté, debout près de la couche. « Magda, pourquoi tu quittais le port libre où je pouvais te consulter ?» La levantine désigna un moribond. « Ma mère, malade, mais j'avais laissé mon adresse. »« Devoir filial, » dit le corsaire. « Je voudrais jouer ce soir. Quelle carte me sera favorable ?» L'oracle prit un jeu, le bâtit, prononça quelques paroles mystérieuses et fit sortir une feuille. « Dame de trèfle, a joué 10 fois. » Bavastro paya d'une pièce d'or le conseil, sortit du bouge et regagna le port militaire sans qu'un ennemi se fût montré dans son chemin cette fois. 3 heures plus tard, d'une fenêtre du palais Sonchi, Bavastro regardait descendre la nuit. À ses yeux, le crépuscule sombrait lentement dans les profondeurs d'un horizon tout bordé de nuages violacés. Apparu comme une large barre, la mer se teintait en grisaille, et le jour décroissant sans cesse, les maisons de Gênes, ville bâtie en amphithéâtre, se rapetissaient, puis sombraient, ou plutôt disparaissaient au milieu des ténèbres. Au long des rues, les patrouilles françaises faisaient la loi, tandis que de loin en loin, sur les remparts, armature de pierre serrant et protégeant la cité, 50 sentinelles se recommandaient à chaque instant la veille des armes. Vers 10 heures, quand la ville semblait s'être assoupie sous le poids du sommeil, le corsaire franchissait dans le jardin du palais une petite porte. Ayant changé d'habit, il portait sous un long manteau rouge une veste de même couleur, laquelle cachait une chemise en maille d'acier, cuirasse pouvant arrêter le fer d'un poignard et les balles. Une calotte de fer protégeait sa tête. Un couteau de chasse pendait à sa ceinture, toujours garni de pistolets. Il avait remplacé la cravache par une canne à pommeau en plomb. Bavastro descendit d'un pas rapide vers la basse ville. Place de la Nunziata, il vit des hommes qui cherchaient à se dérober dans l'ombre. Aux patrouilles rencontrées, le corsaire donna le mot de ralliement. Au milieu d'un passage obscur, car le service municipal ne faisait plus, faute d'huile, allumer les lanternes, le marin heurta du pied une femme morte entre les cadavres de ses enfants. Plus loin, un mendiant lui demanda l'aumône. En longeant les murs de San Lorenzo, église métropolitaine et asile d'une foule de malheureux, Bavastro disait « Toutes les horreurs de la guerre sont étalées dans Gênes. Si le siège est prolongé, la ville ne sera plus dans 15 jours qu'un cimetière. » Sans incident, le corsaire arrivait à l'entrée du Vicolo ou ruelle Montedona. Sillon de rude montée, ouvert entre des maisons noires. Deux chandelles, posées en cierge, devant des madones, en éclairaient le boyau que quelques individus arpentaient hâtivement. Par là, d'un pas mesuré, Bavastro montait vers la colline de Carignano. Il s'arrêtait, après 100 mètres de parcours, devant lui, largement ouvert d'une bâtisse en marbre. C'était là la maison Palacci, un palais transformé en hôtel depuis quelques mois. Au premier étage, où aboutissait un escalier large de 3 mètres, la belle Madame Mariette, venue de Marseille avec les équipages du général Miolis, tenait un salon de société, un bal et une salle de jeu. Fonfred, un ancien commissaire à l'armée d'Italie, remplissait habilement les fonctions de croupier. Dans une salle au mobilier somptueux, on jouait les 4 dames au dé, jeu sicilien qui consistait à aligner les dames au milieu du tapis vert. Le secrétaire du croupier, les yeux bandés, agitait dans une coupe de bronze 4 dés dont les numéros représentaient les dames placées et il tirait quand les mises étaient faites. Au jeu simple, le gain était, sur la carte désignée, de 3 fois la mise. Souvent on doublait ou triplait même l'opération en employant les rois et les valets et en augmentant les dés jusqu'à 12. Alors le gagnant recevait 6 ou 10 pour 1. Bavastro trouvait une assemblée nombreuse. La fièvre du jeu déborait les défenseurs de Gênes. Les officiers se ruinaient en une nuit. Quelques-uns réalisaient, il est vrai, des gains énormes. Le capitaine Burt, allégé d'une somme importante, cédait sa place à l'arrivant, dont le costume apparaissait bizarre entre les uniformes de plusieurs colonels. Le jeu marchant à 12 cartes, le corsaire disait « 1000 francs sur la dame de trèfle ». Il fut seul à pointer sur cette carte. Ayant agité la coupe, le secrétaire tira le numéro 2. Fronfred annonçait d'une voix qu'il s'efforçait de rendre grave « Trèfle, à 10 pour 1. Citoyen Bavastro, c'est 10 000 francs que… » Le croupier n'acheva point. Une bombe, traversant la fenêtre ouvrant au sud, va heurter la cheminée, éclater, renverser l'assemblée. 9 hommes furent blessés. La table, le jeu et les mises s'effondrèrent au milieu d'un vacarme. Entraîné dans l'escalier, légèrement blessé au front, le corsaire criait « Maudit Napolitain, je vous rendrai au centuple cette mitraille !» De la maison Palacci, les dames du salon de société, les danseurs du bal qui se faisaient à grand orchestre, les joueurs et les domestiques étaient sortis précipitamment. Tout le monde formait cohue. La terreur poussait chaque individu vers un refuge quand Gênes subissait, pour la 10e fois, le bombardement d'une flottille anglo-napolitaine qui avait pu, dans les ténèbres, s'embosser devant la rade. À chaque minute, 2 ou 3 bombes éclataient dans la ville basse où l'explosion d'un projectile était suivie de cris d'épouvante. Par là, des gens affolés se recommandaient à Dieu. En longue cohorte, les habitants du quartier de la Marine montaient vers la colline de l'Éperon pour camper en plein air. Des incendies s'allumaient, plusieurs palais éclairés par le feu servaient à l'ennemi de cible. Bavastro s'était rendu sur le port. L'armée de terre est impuissante contre l'escadre. Que dois-je faire en cette occurrence? Allons prendre conseil. Il marchait vers le palais Dominique Doria à grands pas. Il s'arrêtait à l'extrémité d'une place carrée qui formait alors une cour au palais. De ce point, il apercevait un poste gardant le quartier général. Il faut que je voie Masséna tout de suite. Bavastro n'eut pas à forcer les consignes. Sa qualité d'officier de la marine lui conférant le droit de pénétrer à toute heure auprès du général en chef qui se tenait au premier étage de l'énorme bâtisse. Placé au bout d'une longue table surchargée de papiers, l'aide de camp Rey et le secrétaire Morin écrivaient des ordres. Courbés par la fatigue, ils étaient sous la surveillance de Masséna, qui, allongé dans un fauteuil, écoutait les bruits du bombardement. Masséna fixa son dur regard sur l'arrivant, qui demandait « Citoyen général, qu'ordonnez-vous ? » « Citoyen corsaire, je devrais prendre les dernières mesures de rigueur contre un homme qui n'est pas maintenant à son poste de combat. » Bavastro objectait. « Il ne me reste plus qu'une galère à risquer. Qu'importe, je juge que les derniers moyens doivent être employés à protéger Gênes. Vous auriez dû prendre la mer, assaillir des chaloupes napolitaines. Mais la passion du jeu domine chez vous, le sentiment patriotique. » Bavastro faisait un geste de protestation, un grand geste. « Inutile défense, partez d'ici à l'instant. Que vos corsaires aillent attaquer l'ennemi, les prises vous appartiendront, entièrement, cette fois, j'ai dit. » Bavastro s'inclina et sortit rapidement. Il courut vers le port. Le bombardement continuait. La ville était remplie de rumeurs. 3 palais et 20 maisons formaient des brasiers. Une garnison, éprouvée par la famine, s'abritait derrière les remparts. De la terrasse du vieil arsenal, le corsaire découvrit, aux lueurs des feux de l'artillerie, une escadre napolitaine embossée devant le vieux môle, et à 3 encablures derrière les frégates, l'escadre anglaise en soutien. Le capitaine descendit de son observatoire. De l'arsenal, il marcha vers un bassin nouvellement creusé. Dedans flottait, entre 2 pontons à demi vermoulus, la dernière galère de la flottille génoise. Ce bateau plat, mais large, armé de 2 canons de 8 placés en poupe et en proue, avait la forme de l'éperonnade maltaise. Son mouvement d'impulsion lui était donné dans les expéditions par des rameurs. Léger, habilement conduit, l'indomptable distançait goélette et cutter. 16 rameurs et un pilote composaient son équipage. Il portait 20 corsaires, hommes recrutés au début du siège, parmi les contrebandiers de 100 pieds d'aréna, demi-bandits, demi-héros, obéissant ponctuellement aux gestes et à la voix toujours impérieuse de leur chef. Leur obéissance était telle que Bavastro, ayant tiré d'un sifflet en argent quelques sons longuement modulés, les corsaires, sortis de cabaret borgne, rallièrent le port, et déjà armés de pistolets et de haches, ils occupèrent la galère où, à leur tour, les rameurs, des athlètes, prirent poste. Debout au milieu de la compagnie, décidés à braver les plus grands périls, voulant regagner surtout la confiance de Masséna, Bavastro donna ses instructions. Les amarres rentrés, l'indomptable glissait sur la Méditerranée. Dans l'obscurité, sous des ventées, l'eau clapotait et son bruit, une plainte étrange, couvrait le bruit des rames. Le bateau était orienté sur la gauche de la ligne napolitaine qui n'avait point détaché de vedette pour assurer sa sécurité. « Sont-ils imprudents ? » murmura le capitaine. Mais la galère avait été aperçue. Un matelot criait du bordage d'un vaisseau de 24 canons. « Qui êtes-vous ? » Bavastro répondit, en bon italien, « Les amis du roi Ferdinand !» Un avertissement suivit la déclaration. « Passez !» Bavastro faisait d'un signe porté au sud, voulant passer entre les Napolitains et les Anglais, afin de choisir, tout à loisir, une proie. Il convoita bientôt. « La Carolina, bâtiment amiral, doit porter le trésor de l'escadre. C'est pour moi de bons pillages. Je trouverai dessus au moins les 10 000 francs dispersés par la bombe et quelques rouleaux d'or, en plus pour mes hommes. » Notre audace aura raison du nombre. Comme Jean Bart, il nous plaît de nous battre un contre 20. Orientons-nous sans tarder. Il indiquait en patois à ses rameurs. 3e bâtiment, à gauche, à toute vitesse. Amarre double offert du gouvernail. Les corsaires entendaient à leur tour. Vous autres, besogne ordinaire. Des coups, pas un cri. Au besoin, le mot de ralliement serait France, surtout du sang-froid, mes amis. Les corsaires regardaient la frégate qu'ils devaient envahir à l'abordage. Entre 10 navires, à l'ancre, la Carolina se dressait, haute et majestueuse, au milieu de petites vagues, sous la lumière blanche des étoiles soudainement démasquées. 2 grosses pièces, liées plutôt que fixées à son gaillard d'avant, lançaient des bombes, occupaient 20 artilleurs. Derrière ces gens de besogne, un équipage se tassait pour assister à la ruine de Gênes. Si bien que, sans avoir été aperçu, la galère s'arrêtait sous l'abri d'une poupe très large. Des chaînes liaient l'esquif au navire. Par 2 fenêtres ouvertes, les corsaires se glissaient. Ils traversaient le bâtiment, sans rencontrer un matelot, franchissaient les escaliers et faisaient irruption sur le pont. Des 200 hommes serrés entre les bordages, 40 tombèrent mutilés. Les autres furent jetés à la mer, perdus. Bavastro, qui voyait des munitions derrière les pièces mises en batterie, voulut engager un combat naval. Il commanda. « Mes camarades, feu par tribord, visez bas, à la ligne de flottaison !» Au lieu des fanaux fixés à la proue, la manœuvre fut exécutée. 6 pièces de 24 tirèrent sur les bâtiments napolitains, qui, croyant une méprise, multiplièrent les signes d'avertissement. Il s'ensuivit que le bombardement de Gênes cessa, et gravement endommagé, les navires du roi Ferdinand levèrent l'ancre, prirent du champ, sans avoir riposté à l'agresseur. La ligne de gauche, également canonnée, dut battre aussi en retraite vers l'escadre anglaise. Le second des corsaires demandait « Faut-il donner la chasse aux fuyards ?» Mais Bavastro ne l'entendait pas dans ce moment. Muni d'un falot ramassé au milieu des cordages, en voyant ses hommes assurer un tir très meurtrier, Bavastro songeait à une prise, ce qui le portait à franchir, dans l'entrepont, la porte des appartements de l'amiral napolitain. La cassa, ou la caisse, était cachée sous des tentures. Meubles en bois noir remplis de pièces d'or, de l'or anglais reçu le même jour du gouvernement britannique habitué à payer les ennemis de la France. Il y avait 5 000 livres à l'effigie du roi Georges. 125 000 francs. Suis-je assez fort ? De sage, Bavastro avait brisé les armatures qui fixaient le coffre à la muraille des bois. Des deux mains, il enlevait le trésor qu'il transportait dans la galère et remontait sur le pont. Le second de son équipage lui demandait « Faut-il donner la chasse aux fuyards ?»« Attendez, Pietro !» Le capitaine s'avançait jusqu'à la muraille de poupe. Son regard perçant franchissait de grandes limites et voyait l'escadre anglaise manœuvrer pour assaillir la Carolina. « Danger à l'horizon !» cria le chef. « Il faut donner du fer au sujet du roi Georges !» Il indiquait un emplacement derrière le mât d'artimon. « Armez ces 3 pièces. Feu de mitraille sur les ponts pour balayer !» Puis il criait au rameur de son embarcation « Portez vite à l'avant ! Déployez les 2 échelles de corde jusqu'au pont de la frégate !» Pendant 1 heure, les corsaires bravèrent le feu des navires anglais. Si leur mitraille enfila les ponts des 2 bâtiments, 8 tombèrent, mutilés, entre des décharges. Bavastro se vit contraint d'abandonner sa prise, sous peine d'être coulé ou pris. Le dernier, il se présenta à l'échelle, après avoir placé dans la soute aux poudres une mèche allumée. 6 chaloupes donnèrent la chasse à l'indomptable. Un duel d'artillerie et de mousqueterie s'engagea. 10 hommes luttèrent contre 300. Une gerbe de flammes s'éleva vers 2 heures du matin dans les ténèbres. La Carolina explosait. Ses débris écrasaient 5 chaloupes anglaises. Bavastro coulait l'autre, et comme l'aube pointait, toute blanche, sur la Méditerranée toujours bleue, le capitaine victorieux, debout entre les cadavres de ses compagnons d'armes, ordonnait au dernier rameur de regagner le port. De ses mains rouges de sang, il fouillait l'or de la prise. Alors, la passion de jeu le reprenait, il se promettait « Je veux, dès ce soir, faire sauter la banque de Madame Mariette. » Mais le corsaire ne devait pas réaliser les désirs du joueur. Tout comme un portefeuille bergamesque, Bavastro portait la caisse napolitaine au palais Sonchi. Il lui donnait l'abri du coffre-fort qu'avait laissé vide un noble génois, que les événements de la guerre avaient éloigné. Il plaçait auprès un matelas sur lequel il pourrait dormir sans cesser de garder sa prise. Et bientôt, endormi, le marin rêvait que, des millions chargés dans un caisson de l'armée d'Italie, il cheminait, heureux et riche, vers Nice, pour être, au pays du soleil, un grand seigneur, ayant droit à ces licences que peut procurer la fortune. Encore, les bruits de la guerre le réveillèrent, mais seulement à midi. Puis, les pas d'un aide-de-camp retentirent dans le corridor qui longeait son appartement. On lui apportait des ordres. Masséna charge le capitaine Bavastro d'aller croiser, avant 3 heures du soir, devant la batterie du Bisagno, afin de faciliter l'entrée d'un bateau qui est attendu de Corse. Diable, voilà qui noircit les cartes, mais désobéir. Le messager se chargea d'indiquer « Masséna, qui ne veut tolérer aucune faiblesse, vous ferait fusiller. » « Eh bien, j'irai !» promit Bavastro. Il revêtit son costume de guerre. Il décida, n'ayant pas un domestique, de se servir, dans la somptueuse salle à manger du palais, 3 biscuits fort durs. Il but une bouteille de vieux vin et tint conseil. « Mon cher corsaire, laissez ici ton argent, c'est risqué de le perdre, quand les visites domiciliaires et les recherches d'aliments se succèdent. Ne perds pas de vue tes écus. Bast, le commissaire portera la caisse jusqu'au port. » Et si je coule, Les bonnes guinées anglaises me suivront dans la tombe. » 2 heures plus tard, Babastro était sur sa galère, assis au banc du commandement et surveillant l'appareillage. Une rude ventée avait forcé l'escadre anglo-napolitaine à gagner le large. L'indomptable pouvait, à toute aise, se donner du champ, explorer loin les plaines de la Méditerranée. Pour laisser aux rameurs des loisirs, une voile latine était hissée, et au travers des flots qui ondulaient, le navire pointa vers le sud. Son équipage racontait à quelle misère succombaient les Génois, comment, chaque matin, on trouvait des familles mortes dans le même taudis, combien de soldats avaient succombé en montant la garde. Le soir vint, tandis qu'on le voyait, des nuages épais, les volutes s'abaissaient au ras des flots. À cette heure où il aurait pu jouer aux quatre dames, Babastro cherchait l'occasion de combattre les ennemis de la France. Une rage le poussait contre les alliés, et il allait donner vers la bande d'un grand navire. « Hola !» crie le corsaire. « Quel pavillon ?» Une voix grave répondit. « Raguzin, pavillon neutre, qui sera à Libourne. Nous avons 20 canons pour défendre notre cargaison de blé. » Babastro, qui voulait introduire des provisions dans la ville assiégée, parlementait au lieu de préparer une attaque. « Monsieur, à quel prix estimez-vous le chargement ?»« Il vaut 125 000 francs. Je l'achète et je le paye en or anglais. » Marché vite conclu. Le bâtiment Raguzin changea de direction. Pour lui ouvrir la route maritime du port, Babastro coula une canonnière napolitaine. Et, très heureux d'avoir accompli la louable action, il se dit, comme un sénat l'eût publiquement félicité, « Nous irons voir plus tard cette belle Madame Mariette qui rafle les écus. Aujourd'hui, j'ai heureusement placé mon argent, ou plutôt l'argent d'une prise, au service de ma patrie. » Ainsi s'achève Babastro le corsaire par Édouard Gachot.